Doré sur tranche par Fernand Lafargue. Chapitre 1er. La chambre où venait de pénétrer Jean Lormel était si étroite qu'il dut se glisser de côté entre la muraille et le lit pour arriver jusqu'au chevet de la malade. « Mère, comment as-tu passé la nuit ? » demanda-t-il d'une voix grave, triste et presque protectrice. « Mieux, mon enfant. Tu ne m'as pas entendu. Je n'ai pas toussé. » La malade enveloppa son fils d'un long regard d'amour. « Je constate, dit-il, que tu n'as pas de fièvre. Je vais t'apporter ton déjeuner, et j'irai ensuite au cours. Prends le bateau, mon enfant. Tu te fatigues à répéter ces longues courses à pied. Sois sans inquiétude, mère. » Il l'aborda comme il fait pour un enfant, redressa l'oreiller, lui prépara son café au lait et sortit. Et dehors, ses yeux s'emplirent de larmes. Est-ce qu'il allait la perdre ? Était-ce de l'anémie ? Ah, pauvre mère, usée de travaux et de veilles pour lui, pour qu'il payât ses inscriptions à l'école de médecine, pour qu'il devint un homme et pût reconquérir le bien-être qui, jadis, du temps de son père, ensoleillait la maison. Non, la maison de pauvre apparence qu'ils habitaient maintenant, rue de l'Assomption à Passy, grande caserne à locataires, mais un petit pavillon charmant, entre cour et jardin, à Asnières. Même à cette époque, le jeune homme s'en souvenait, le père se plaignait souvent de la difficulté toujours croissante qu'on rencontrait dans la littérature et dans les arts pour joindre les deux bouts. Mais comme il travaillait sans cesse, ce pauvre père, l'équilibre se maintenait. Tout à coup, après le deuil, la solitude autour d'eux s'était faite. On les devinait dans la gêne. Les amis redoutaient un appel à leur bourse. Et peu à peu, la mère de Jean Lormel était tombée dans une inquiétude de corps et d'âme dont les caresses de l'enfant ne réussissaient pas à la distraire. Elle ne voulait pas encore de lui, pour confident, le jugeant trop jeune sans doute pour lui faire partager le poids des soucis. Puis, un jour, un homme sans pitié était venu, et malgré les supplications de la veuve, il avait dit ces mots d'une voix dure. « Je ne puis plus attendre, payez ou partez. » On était parti sans les meubles, gage du propriétaire. Sa mère et lui s'étaient réfugiés dans un appartement d'ouvrier, qu'ils occupaient encore. Jean avait déjà 12 ans. Son intelligence, éveillée par l'éducation maternelle, était surtout sensible au côté sentimental de la vie. Il vibrait comme une femme. Un culte brûlait au fond de cette petite âme. Le culte que lui avait enseigné sa mère. L'amour, le respect du mort, et surtout l'admiration pour le talent d'écrivain de celui qui n'était plus. Et Jean Lormel voyait encore sa mère, lisant, relisant, comme un bréviaire, un livre à lignée inégale, doré sur tranche, en tête duquel, à la main, étaient écrites quelques lignes affectueuses du poète disparu. Ce livre-là n'était plus dans la maison. Oui, ce trésor avait été vendu aussi. Dans l'affolement de la détresse, sa mère avait oublié de le retirer du coin secret de la bibliothèque où elle le serrait chaque fois, après l'avoir parcouru avec passion. Chapitre 2e. Elle avait souvent parlé à Jean de ce livre perdu. Il comprenait que la plus grande joie qu'il pourrait lui procurer serait de le retrouver, de le rapporter. Et dès qu'il eut l'instinct des démarches à faire, des moyens à prendre pour arriver à son but, Jean Lormel ne se lassa pas. Il apprit, hélas, que la bibliothèque de son père avait été adjugée à un bouquiniste. Ce fut un crève-cœur. Ah, si elle était tombée entre les mains d'un amateur, à force d'économiser les sous que sa mère lui donnait le dimanche, il aurait réuni la petite somme pour laquelle le nouveau propriétaire attendri lui aurait certainement cédé le livre. Il ne passait jamais devant un libraire d'occasion sans inspecter scrupuleusement tout l'inventaire, et dès qu'il distinguait une reliure à dos rouge, il tressaillait. Et il s'en allait une seconde après, la tête pensive, une fois de plus déçu dans sa touchante espérance. Or, un soir, Jean eut un éblouissement. Entre 10 autres reliures que le marchand posait devant lui dans une boîte à 2 francs, il reconnut celle qu'il cherchait depuis 5 ans. Mais il n'avait pas les 2 francs. Jean Lormel pâlit. Si quelqu'un enlevait le livre pendant qu'il irait chercher l'argent, que faire? Il s'approcha du marchand, le pria d'accepter sa montre en gage, et lui demanda la livraison immédiate du bouquin. Il tremblait, craignant un refus. « Vous passez ici tous les jours, lui répondit l'homme, vous me paierez demain. » Jean Lormel saisit le livre et se mit à courir dans la direction de Passy. Chapitre 3e. En route, il ne put se retenir d'ouvrir, de feuilleter les pages. La dédicace l'émut à lui tirer des larmes. « À toi, la seule aimée, à toi, la mère de mon fils, je dédie ces vers qui chantent ton dévouement, ta pudeur et ta beauté. Que sa mère allait être heureuse. Il l'avait quittée bien souffrante le matin même. Quelle émotion il ressentait d'avance de lui offrir cette surprise. Dans l'escalier, il rencontra le médecin qui descendait. « Eh bien » interrogea-t-il, anxieux. Le médecin fit un geste de découragement. « Est-elle perdue ?»« Mon enfant, je n'ose me prononcer. »« Ah, je la guérirai, moi !» s'écria Jean. Et il entra dans la chambre de sa mère. La malade, assoupie, ne souleva pas les paupières. Alors Jean s'assit près d'elle et attendit. Et dès qu'il comprit que sa mère était près d'ouvrir les yeux, il murmura d'une voix grave et douce la dédicace amoureuse. « À toi, la seule aimée, à toi, la mère de mon fils. » Madame Lormel se redressa. « Qui t'a pris ces paroles, Jean ? Où les as-tu entendues ? » ?»« Je les ai lues, ma mère. » »« Quand ? Autrefois ? » ?»« Non, aujourd'hui. » »« Aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Où donc, mon fils ?» Il répondit doucement. « Là ?» Madame Lormel s'empara du livre, le regarda fixement, baisa les pages avec emportement, puis, attirant sur son sein la tête de son grand-fils, elle sanglota. « Merci, mon petit. Merci. » Le lendemain, le médecin, en voyant la malade les yeux vifs et lisant un livre doré sur tranche, qu'elle cacha sous l'oreiller en l'apercevant, crut assister à une résurrection. Les jours suivants, la convalescence s'accentua. Pendant les absences quotidiennes de son fils, la malade avait une compagne douce et tendre, l'âme du mort qu'elle retrouvait vibrante et aimante en tournant chaque page du petit livre. C'était, avec le souvenir, une jeunesse nouvelle qui la pénétrait. Et le jeune homme, la voyant sauvée, prenait plus de goût au travail, apportait à l'étude un entrain de bon augure pour les succès futurs. Ses succès furent prompts, reçus au concours pour l'internat des hôpitaux, il se fit remarquer par un de ses maîtres déjà vieux qui lui constitua rapidement une clientèle choisie. Aujourd'hui, le docteur Lormel, en possession d'une notoriété qui confine à la gloire, soigne tout le monde avec passion, en se souvenant de ce principe que le corps n'est jamais bien portant si l'âme est triste. Et il lui arrive souvent de trouver à ses malades le livre doré sur tranche qu'il leur fallait. Aux riches, une douce parole, une promesse de longue vie, aux pauvres, un espoir, quelquefois une aumône, et souvent un discret secours. Ainsi s'achève, Doré sur tranche, par Fernand Lafargue.